52e leçon. Un entretien d'embauche. Eh bien, monsieur Lopez, vous voulez travailler pour nous ? Oui, c'est ça. Je n'ai pas d'emploi actuellement. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant ? Oh, j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. J'ai conduit des camions, j'ai joué du piano dans un cabaret. Oui, très intéressant. Mais est-ce que vous avez travaillé dans la haute couture ? Ben, en quelque sorte. Mais j'ai aussi construit des maisons. J'ai vendu des glaces aux Esquimaux. Sans doute. Mais dans la haute couture ? Vous tenez absolument à le savoir ? Bien sûr. Eh bien, quand j'étais en prison, j'ai repassé des chemises. Exercice. Ils ont construit de nouveaux immeubles là-bas. Qu'est-ce que tu fais actuellement ? Êtes-vous poète ? En quelque sorte, j'écris des slogans publicitaires. Vous tenez absolument à y aller ? Racontez-moi une histoire. Il a fait beaucoup de métiers.